Les comités préparatoires bulgares et tanzaniens pour la journée de la brillante étoile sont constitués à Sofia et à Dar es Salaam. Ils ont décidé d'organiser des cérémonies politico-culturelles comme rassemblement et séances de films pour exalter la vie révolutionnaire sacrée et les exploits immortels du grand dirigeant Kim Jong-il. Par ailleurs, a eu lieu à Bâle la constitution du comité préparatoire suisse pour la célébration du 75e anniversaire de naissance du généralissime Kim Jong-il.